Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la grève des LIP, l'une des mobilisations ouvrières les plus importantes et les plus populaires de la Ve République. Quand des ouvriers reprennent leur usine sur le principe « produire, vendre et se payer ». Nous sommes en 1973, la France est encore fortement industrialisée. On porte la blouse blanche ou bleue avec fierté, avec cette conscience de participer activement à la production de richesses. L'usine est un lieu de vie, une identité, une dignité aussi pour ce qu'on appelle encore et qui fait sens, la classe ouvrière. L'usine est aussi son lieu de combat. 40 ans après, les blouses ont presque disparu du paysage. Les ouvriers intérimaires à la chaîne sont devenus les invisibles parce que les machines, elles, sont parties ailleurs, vers l'Est ou le Sud. De nombreux économistes estiment que les problèmes économiques de la France d'aujourd'hui prennent précisément leurs racines au cœur de ce phénomène de désindustrialisation. Pourtant, dans ce marasme, ici et là, dans cette France aux 6 millions de chômeurs, certains font perdurer à leur façon le slogan des LIP, le triptyque « on fabrique, on vend, on se paie ». C'est l'histoire des SCOP. Pour nous éclairer sur ce point, nous recevrons l'ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, qui redevient député socialiste des Yvelines. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Gara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Alice Berger, Pierre-Yves Dorolin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alors maintenant, tranquillement et tous ensemble, nous allons aller toucher notre pays. Soutenir les travailleurs de chez LIP, soyez solidaires. LIP, c'est l'heure. Réunis devant l'entreprise, où dans quelques minutes, les premiers réembauchés vont rentrer, et où dans les mois à venir, l'ensemble des travailleurs de LIP devront retrouver leur place. Vous permettez que je finisse? Vous permettez qu'on part aussi? Ouais. Non, non, non. Nous vous disons, nous y allons ensemble. LIP, c'est une histoire de héros ordinaires, d'hommes et de femmes qui vont s'opposer au licenciement et au démantèlement de leur usine. Pendant près d'un an, entre 1973 et 1974, ils vont lutter sans jamais baisser les bras. Ils feront face aux actionnaires et innoveront chaque jour pour relancer l'usine, vendre leur production et payer leur salaire. C'est cette épopée que nous allons vous raconter aujourd'hui. À Besançon, en 1973, au milieu du quartier de Palante, au-dessus des maisons et des immeubles, on aperçoit au loin trois lettres collées au mât d'une cheminée. L-I-P, LIP, la cathédrale industrielle de la ville qui embauche alors près de 1300 salariés. Chaque matin, ils viennent fabriquer des montres. À la sortie de la guerre, LIP est le premier horloger de France, le premier à imaginer un complexe industriel liant modernité, innovation et production. C'est à Palante, à la fin des années 50, que Fred LIP lance la construction de son usine, la plus moderne d'Europe, dans un parc de 10 hectares surplombant la vallée du Doubs. Travailler à l'usine de Palante, c'est une fierté pour les gens de la région. Quand on y entre, c'est souvent pour 40 ans, une vie. Oui, on vit LIP, on débat LIP, on étudie LIP, on se marie entre ouvriers de chez LIP. Oui, être de LIP, c'est une identité, un héritage, et bientôt, une lutte. Ce sera une question de vie ou de mort. Car 10 ans après l'inauguration de l'usine de Palante, la situation de l'horlogerie en France n'est plus la même. La concurrence internationale affaiblit le leader français. En 1967, Fred LIP fait entrer au capital la société suisse Ebauche SA, qui en devient très vite l'actionnaire principal. En 1971, Fred LIP est débarqué. L'entreprise familiale est désormais entre les mains d'actionnaires et de pôles financiers. Rien ne va plus, c'est l'impensable dégringolade. En avril 1973, Jacques Saint-Esprit, son nouveau dirigeant, démissionne. Le lendemain, le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire. Le fleuron français de l'horlogerie est fortement déréglé. Il est au bord de l'éclatement. Du côté des ouvriers, on s'organise. Les syndicats et le comité d'action décident d'entamer une grève avec une stratégie précise. Jouer la montre, gagner du temps en diminuant la cadence. Chaque heure, les ouvriers arrêtent 10 minutes, puis 15 minutes, et ainsi de suite. Dans le même temps, ils impriment les premiers tracts, alertent la population, manifestent en Suisse devant le siège d'ébauche, et ça. Placardé par centaines sur les murs de la ville, on peut lire « Lip vivra, Bisontin, soutenez-nous ». Mais rien n'y fait. Aucune information, aucune décision ne filtre sur l'avenir de l'entreprise et de ses emplois. À Besançon, l'attente devient insupportable. Si l'usine ferme, c'est toute l'activité de la ville qui est menacée. On parlait à propos de votre action d'autodéfense, de fabrication et de vente sauvage des montres. Mais où est la sauvagerie dans cette affaire? Pour le droit au travail? L'IP vous garantit l'heure exacte au troisième top, exactement. L'IP, c'est l'heure. Le 10 juin 1973, c'est l'explosion. Les ouvriers décident l'occupation totale de l'usine pour la sauvegarde de l'outil de travail, explique-t-il. Le 12, une réunion entre les syndicats et les administrateurs est prévue dans les locaux de l'IP. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les administrateurs sont venus leur indiquer que leurs salaires ne seront plus assurés à compter du premier jour d'occupation de l'usine. Des ouvriers découvrent dans le même temps, dans l'une des sacoches des administrateurs, le plan de licenciement planifié par le groupe. C'est la douche froide. À 17h, ils décident de séquestrer les deux hommes pour obtenir plus d'informations sur ces documents. Le quartier de Palante est en ébullition. Partout, on entend les sonneries des téléphones, les unes après les autres. Les fenêtres des immeubles s'illuminent. On afflue de tous les côtés. Au loin, on aperçoit déjà les sirènes bleues des cars CRS. Alors, à leur arrivée, sans sommation, ils fracturent l'entrée de l'usine, écartent les ouvriers leur faisant face, puis récupèrent les deux administrateurs. Ils n'ont fait que passer, laissant seuls et sans moyens les ouvriers de l'IP. Eux viennent de perdre leur dernier moyen de pression. Le lendemain, tous les médias sont sur place. Le mouvement LIP est lancé. Il est bien évident que le personnel a été choqué et même outré de voir à quel point les pouvoirs publics ont manifesté leur présence à l'intérieur de l'entreprise pour venir chercher ces messieurs que nous gardions et qui étaient d'ailleurs très bien traités. Ensuite de ça, il faut dire que le personnel s'est mis en colère du fait d'un document que nous avons eu en main, confirmant les licenciés. Et surtout, d'être resté pendant plus de 57 jours sans information. Jusqu'où irez-vous maintenant? Eh bien, de toute façon, nous allons entamer des négociations pour les salaires. Il faut absolument qu'on nous paye nos salaires jusqu'à la conclusion. Et nous le répétons, nous irons jusqu'au bout. Nous ferons tout ce qui sera en notre possible. Quelques heures plus tôt, dans la nuit du 12 juin 1973, les ouvriers de l'IP décident de prendre les devants et imaginent l'un des scénarios les plus marquants de l'histoire sociale de notre pays. Après quelques hésitations, ils se constituent un trésor de guerre, ils se réapproprient leur outil de travail. En pleine nuit, des membres du comité d'action et des syndicats, dont Charles Piaget et Roland Vito, prennent la route, chargés de plusieurs centaines de kilos de montres, près de 60 000 montres. Mais ils ont pris également des outils de production et des fiches clients. La résistance s'organise. Aux quatre coins du pays, on réveille un ami, un curé, un parent, pour qu'il stocke quelques montres dans sa cave ou dans son presbytère. Le lendemain, l'annonce de la prise de guerre est annoncée sous les applaudissements de l'Assemblée Générale. Le conflit social se transforme en saga, une aventure digne du roman de Gérard Mordia, Les vivants et les morts. Mais le gouvernement ne lâche rien. Le 15 juin, après la manifestation dans les rues de Besançon, qui rassemble déjà plus de 12 000 personnes, la répression s'abat encore une fois sur les travailleurs de chez LIP. Le journaliste Claude Faber, du Monde, est sur place. Il décrit cette soirée mêlant lacrymogènes, jets de pierres et barricades. La violence des CRS est disproportionnée, aveugle. Les policiers vont jusqu'à mettre à terre et piétiner un caméraman de l'ERTF. Pour l'instant, la seule négociation, c'est le bâton contre les ouvriers qui revendiquent seulement la sauvegarde de leur emploi, le non-démantèlement de leur usine et aussi des explications sur la chute de l'ancien numéro 1 français de l'horlogerie. En attendant, ils prennent leur avenir en main et décident collectivement de relancer une chaîne de production d'usine. Au journal d'Antenne 2, la mobilisation des LIP fait désormais la une. Monsieur Bonnefoy, premier adjoint au maire de Besançon, reçoit une montre des mains de la doyenne des ouvrières de LIP. Cérémonie presque anodine, à un détail près toutefois, cette montre est illégale. C'est la première d'une série de 32 000 que le personnel de LIP a décidé de fabriquer de sa propre initiative. Dès demain, il y aura ce que l'on pourrait appeler des ventes sauvages, à des prix défiant bien sûr toute concurrence. Ces ventes seront faites, disent les employés, pour remplacer les salaires que la direction ne verse plus depuis le 10 juin. Devant cette décision insolite, la réaction des administrateurs provisoires de l'entreprise a été immédiate. Les acheteurs éventuels pourront être poursuivis pour recel et tout cela, de toute façon, est illégal. Nous considérons que l'illégalité est du côté des administrateurs provisoires qui ont tenu les 1300 personnes de l'usine sans information pendant 65 jours. Donc nous estimons que ce que nous le faisons honnêtement, peut-être dans une illégalité suivant certains, comme les administrateurs l'ont dit. Néanmoins, nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas oublier que ces 1300 employés défendent leur outil de travail, leur salaire. Je ne sais pas si c'est important pour ces gens-là, mais pour les 1300 ouvriers de l'usine, c'est capital. C'est un 18 juin que les LIP lancent leur appel, leur slogan qui fera date. À l'entrée de l'usine, on peut lire « C'est possible, on fabrique, on vend, on se paie ». Simple, juste, évident. Quelques mots pour remettre le travail et les ouvriers au cœur de l'entreprise. À partir de cette date, toute la France tourne à l'heure des LIP. Du camping de vacances, au bureau ou aux ateliers d'usine, on se passionne pour cette bataille ouverte et médiatique entre les ouvriers de LIP et l'actionnaire suisse. On va remettre les pendules à l'heure. Dès l'annonce de la mise en vente des montres, le succès est au rendez-vous. On afflue de partout pour aider ces travailleurs abandonnés par une direction qui n'existe plus, qu'ils n'ont jamais vu, jamais entendu. Un ennemi sans visage, précurseur des fonds d'investissement et autres LBO qui rachètent des usines, licencient et revendent la même musique avec, en principe, une confortable plus-value dont les forces humaines de production, ce qu'il en reste, ne voient jamais la couleur. Une stratégie Kleenex devenue la norme aujourd'hui, on jette des emplois, on jette des vies dans les fossés du désespoir. Revenons en 73, chez les LIP. Dès 9h, chaque matin, une file d'attente se forme à l'entrée de l'usine. Devant les caméras, les premiers acheteurs, les passants, déclarent leur flamme aux salariés de LIP. Vous êtes l'un des premiers clients à acheter une montre. Oui. Vous avez quitté votre travail? Ah oui, j'ai quitté mon travail. Vous êtes byzantin? Ah oui, je suis byzantin. Je travaille dans l'électronique. Et vous pensez que les conditions sont bonnes? Ah oui, voilà, et puis surtout la montre LIP. Hein. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'être considéré comme reseller? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est par solidarité, parce que les gens ont besoin d'être assurés de leur emploi et il y a toute la ville est solidaire derrière les travailleurs de chez LIP. C'est un mouvement qui se fait dans l'ordre, dans le calme, dans l'amitié, dans le sourire. C'est important que les gens prennent en main leurs responsabilités à tous les niveaux. Le restaurant vit aussi au rythme des assemblées générales et des séances de cinéma. Le repas coûte 3,50 francs pour les LIP, 5 francs pour les visiteurs. Au menu ce midi, truite meunière aux amandes. Manger tous les jours ici? Non, c'est la première fois, monsieur. On a pas nous sommes à vacances. Nous sommes deux quais. Vous êtes deux? Deux d'Inquiète. L'information en direct de Besançon est devenue une nécessité et une arme essentielle de notre lutte. Tous, unis et solidaires, nous vaincrons. Et oui, on mange aussi chez LIP. Chaque jour, près de 150 repas sont cuisinés par les ouvriers de l'usine. En quelques jours, grâce au travail des commissions, l'expérience autogestionnaire devient réalité. Les blouses blanches de l'usine se répartissent les tâches, on planifie la mise en place du réseau de vente, des gardes de nuit et de la collecte des pièces dans les caches de la région. L'audace et l'imagination des LIP sont sans bornes, brillants communicants. Ils ouvrent les portes aux journalistes de tous les médias, radio, télé, presse écrite. Et aucun ne se fait prier pour couvrir cette aventure sociale, ce combat singulier du pot de terre contre le pot de fer. C'est sous l'objectif des projecteurs et des caméras que se déroule donc le premier jour de paye, le 1er août. Un peu plus de 2 millions de francs sont répartis entre les ouvriers. Quelle leçon! Et tous ensemble, nous allons aller toucher notre paye. Donc on continuera comme ça, tant qu'il le faudra, nous on aura notre argent, du moment qu'on est présent à l'usine et qu'on travaille. Est-ce que ça vous semble illégal ou est-ce que ça vous semble normal? Eh bien non, ça ne me semble pas illégal, pas du tout. Pourquoi? Du fait que, dans le fond, l'usine, c'est nous, les ouvriers, nous avons travaillé pour avoir notre paye. Non, nous ne sommes pas des voleurs. D'ailleurs, tout le monde peut venir ici visiter, il n'y a pas de vol. Il y a justement une lutte très organisée, très populaire. À Paris, le président Georges Pompidou demande à son premier ministre Pierre Messmer de reprendre les choses en main. Pas question que quelques-uns érigent en plein cœur de la France une Babylone de l'autogestion. Les négociations doivent s'accélérer. La fin de vie d'une entreprise est un acte qui se déroule à trois, un divorce entre les dirigeants en charge des intérêts des actionnaires et les syndicats représentants du personnel sous le regard et la médiation de l'État. En ce mois d'août 1973, c'est au ministre du Développement industriel, Jean Charbonnel à l'époque, que revient la tâche de trouver une solution pour le dossier LIP. Alors il décide de nommer un médiateur, comme on fait souvent, Henri Giraud. Le 7 août, après avoir rencontré le préfet, Henri Giraud débarque chez LIP pour présenter aux ouvriers les propositions du gouvernement. Tous les ouvriers, accompagnés de leur famille, l'attendent avec impatience, à tel point que l'émissaire du gouvernement a du mal à fendre la foule et la nuée de journalistes qui l'entourent. Après quelques minutes harassantes, il prend la parole dans la salle de l'Assemblée Générale de l'usine. J'ai le désir de rencontrer les différentes organisations syndicales. Alors, successivement, à 17h pour la CGC, à 17h30 pour la CFDT, à 18h... Pas d'accord. Absolument pas d'accord. À 18h... Vous permettez que je finisse? Permettez qu'on parle aussi. Non, non, non. Monsieur Giraud, vous étiez... Autrement dit, Monsieur Giraud, vous êtes venu ici pour installer la division. Voilà. Quelque chose a changé chez LIP. Ce n'est pas simplement la reprise en main de l'usine, la vente de la production. C'est l'ensemble des relations de pouvoir et de décision qui ont évolué en quelques semaines. Les syndicats ne sont plus les seuls représentants des ouvriers. Ils sont une partie de cette voie qu'ils doivent partager avec le comité d'action, les différentes commissions et les décisions de l'Assemblée Générale. Ensemble, ils ont pris le risque de relancer l'entreprise. Ensemble, ils négocieront avec les autorités. Le but commun, c'est d'essayer de faire repartir les affaires. On est bien d'accord là-dessus. Il y a le problème actuellement, c'est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut sabrer, si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Il est là le problème. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Charles Piaget, l'un des représentants de la CFDT, l'un des leaders emblématiques de la lutte des LIP. Depuis quelques semaines, il intervient à la radio, à la télé, parcourt des centaines de kilomètres pour diffuser la parole des LIP. L'autogestion est un slogan de la CFDT depuis mai 68, ce qui n'est pas du goût de la CGT, toujours prompte à ne pas lâcher une parcelle de son pouvoir. Elle l'a déjà prouvé en mai 68, elle le prouvera encore. Et de toute façon, que ça plaise ou non à la CGT, l'avenir des LIP transcende pour l'instant les intérêts des centrales syndicales. Le 11 août, au milieu de l'été, à Arc-et-Senans, les négociations s'ouvrent. Chacun place ses pions. Les syndicats sont encore en position de force. Le gouvernement tente de redistribuer les cartes. À 5h30 du matin, les gardes mobiles investissent l'usine. Face à l'occupation des CRS, c'est tout Besançon qui se met en grève et arpente les rues de la ville vers l'usine transformée en caserne. Sur la place, Charles Piaget prend la parole. La meilleure réponse, on n'est plus vers un Charbonnel, c'est cette manifestation présente. Le pouvoir espérait nous mettre à genoux simplement en occupant l'usine. Mais ce qu'il ne sait pas, ce sacré pouvoir, que l'usine est là où sont les travailleurs. C'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Et l'usine... Pauvre Charbonnel, l'usine, on va la reconstruire. L'usine, c'est pas les murs, l'usine, c'est d'abord les travailleurs. Après chaque coup, l'Ellipse se relève, innove, invente. Avec l'accord du maire socialiste de Besançon, Jean Mingeauze, ils investissent le gymnase Jean Zé pour y installer symboliquement l'usine LIP. Jean Zé, un autre symbole. Député élu sous l'étiquette radicale socialiste, militant acharné de l'éducation populaire, ancien ministre de l'éducation du Front populaire, c'est l'une des plus grandes incarnations du courage en politique. Dans les rues de Besançon et dans les foyers où le cœur bat à gauche, il y a un parfum d'été 36, d'union populaire, pour ne pas dire de Front populaire. L'affaire LIP devient un enjeu national, une question politique majeure. Les autres grèves, on s'est dit qu'on se construit en rentrant au boulot et pas de fatigué. Y a tout de même quelque chose de changé. Mais à LIP, c'est sûr, rien ne sera plus jamais comme avant. 15 000 personnes dans la rue à Besançon, rien de tel depuis la libération. Les magasins fermés, les cloches ont sonné, l'archevêque au micro. Rien ne sera plus jamais comme avant. On va parler de notre vie partout, et tous les mecs, ils peuvent parler. Les femmes n'ont plus des têtes résignées, rien ne sera plus jamais comme avant. Les quatre L banalisées cherchent partout les montres fantômes. Ils ont téléphoné à l'archevêque, paraît qu'il y en a un tas dans le tabernacle. Les journalistes en mal de drame annoncent déjà la fin du rêve. En fait de rêve, les flics n'ont saisi la nuit dernière que des cartons remplis de croutons. On fabrique, on vend et on se paye, c'est possible. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Messire Schmitt au sommet du bouffon cite Thorez en appel à la raison. Il faut savoir terminer un conflit. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Allez les mecs, on va terminer le disque. Peut-être qu'on va passer l'hiver en prison, on aura tout le temps de se l'écouter au chaud et d'en préparer un autre. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le 16 août, un grand meeting est organisé à Besançon. À côté du médiatique Charles Piaget, on retrouve désormais les secrétaires généraux de la CGT, Georges Segui, et de la CFDT, Edmond Maire. Devant plus de 6000 personnes, ils prennent la parole. Et Charles Piaget n'est pas en reste, bien sûr. Lui aussi s'exprime au micro après Georges Segui. Vous avez su démontrer une nouvelle fois que si les patrons n'ont jamais pu et ne pourront jamais se passer des travailleurs, les travailleurs, eux, peuvent parfaitement se passer des patrons. Pas de licenciement, pas de démantèlement de l'entreprise, maintien des droits acquis, paiement des salaires, et dans l'immédiat, le retrait des forces de police de l'entreprise LIP. Nous annonçons que la vente des montres continue aujourd'hui même, ici à la sortie. Tout est prêt, tout est organisé. Pour les travailleurs de LIP, rendez-vous à 14h cet après-midi à la nouvelle usine de Palante qui s'appelle désormais LIP Jean Zé. Le combat continue, la vente aussi. Radio LIP numéro 2 est terminé. Le combat plus que jamais continue et doit s'amplifier. LIP, n'importe quelle région de France, venez cet après-midi à 15h soutenir les travailleurs de chez LIP. Soyez solidaires. Piaget est devenu une star, Comme lors de chaque grand mouvement, tous les hommes politiques de l'opposition qui rêvent d'un destin national tentent de rencontrer cette inconnue voix et âme de la lutte des LIP. Charles Piaget voit tous les cadors de la gauche, comme Michel Rocard, Georges Marchais, Robert Fabre. Au gouvernement, cette forte mobilisation et sa récupération politique commencent à faire de l'ombre à la rentrée du gouvernement Mesmer. Les négociations avec Henri Giraud s'enlisent. Son plan n'est rien d'autre que celui des actionnaires d'ébauche. Rien ne bouge. À part, et ce n'est pas rien, la vague de sympathie toujours plus forte pour les travailleurs de l'IP. Le 17 septembre 1973, le président Georges Pompidou doit lui-même réagir à l'affaire lors d'une conférence de presse. Il essaie de calmer le jeu. Mais rien n'y fait. Le 29 septembre, 6 mois après le lancement de la grève, près de 100 000 personnes affluent de toute la France pour soutenir les LIP. Du Larzac à Dunkerque, des usines Peugeot de Sochaux à celles de Boulogne-Billancourt, des maoïstes aux curés de campagne, tous rejoignent la marche de Besançon. Sous une pluie battante, plus de 100 000 personnes envahissent les rues de la ville. En coulisses pourtant, ces 6 mois de grève commencent à peser. Quelques jours après cette manifestation, l'ensemble des salariés est invité à voter la proposition du médiateur Henri Giraud. Le plan envisage la reprise d'activité avec 957 réembauches, 54 mises en pré-retraite et 80 licenciements. La CGT soutient publiquement le plan Giraud. À l'inverse, la CFDT refuse. Le 12 octobre, c'est la grande discussion, le tournant de la lutte. Tous les salariés sont invités à voter pour accepter ou non la proposition de Giraud. Les orateurs et oratrices se succèdent à la tribune pour faire le bilan de ces 6 mois de mouvement et peser le pour et le contre. À la fin de la journée, Piaget annonce le résultat. Alors il y a 626 pour continuer la lutte et puis 174 pour arrêter. Jour même, face au choix des ouvriers, le Premier ministre Pierre Messmer déclare « LIP, c'est fini ». En ce début du mois d'octobre, pourtant, chez LIP, la mobilisation continue, mais les négociations sont au point mort. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui pour parler de cette affaire LIP et de ses prolongements, Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, nous le retrouverons dans quelques minutes. Cet automne 1973 à Besançon est comme un long dimanche sans fin. Les ouvriers poursuivent leur lutte à l'intérieur de l'usine LIP. Jean Zé diffuse des tracts, parcourt les villes et les campagnes de France. Mais la fatigue et la scission avec les membres de la CGT a laissé des traces. Les LIP attendent toujours un repreneur, une litanie qu'on connaît encore aujourd'hui, le repreneur qui ne vient pas. L'expérience de la fabrication des montres était viable quelques mois pour faire face au coût de la lutte, mais malgré leur abnégation, les LIP ne peuvent, sans fonds, sans capitaux, sans usines, poursuivre la production à grande échelle. Et c'est donc à Paris, dans le 15e arrondissement, dans l'appartement de Michel Rocard, que l'avenir des travailleurs de LIP se joue. Michel Rocard, secrétaire national du PSU, qui prône l'autogestion, lance des négociations secrètes avec les différents syndicats et les autorités pour faire redémarrer l'entreprise le plus vite possible, car elle est sous respiration artificielle. Alors, il envoie sur le devant de la scène Claude Neuschander, un jeune patron élégant, militant PSU, une sorte d'homme providentiel. Au début du mois de janvier, le gouvernement accepte de lui donner les clés des négociations avec les syndicats, les différents fournisseurs et les financiers intéressés par l'entreprise. Sait-on jamais ? Après 9 mois de lutte, le 29 janvier 1974, devant les caméras et les micros de toute la France, les accords de Dole sont signés. Le plan prévoit l'embauche de l'ensemble du personnel avant la fin de l'année 1975. En échange, le trésor de guerre est restitué. Plus de 10 tonnes de matériel et un chèque de 2 millions de francs correspondant au reliquat de la vente des montres est ainsi rendu au nouveau patron de LIP. Le 11 mars, les premiers réembauchés passent les grilles de l'usine de Palante. De l'autre côté, il y a tous les autres qui attendent leur tour. Réunis devant l'entreprise, où dans quelques minutes, les premiers réembauchés vont rentrer, et où dans les mois à venir, l'ensemble des travailleurs de LIP devront retrouver leur place. Aussi, pour nous, la lutte n'est pas terminée, car aujourd'hui, plus nombreux sont ceux qui ne franchiront pas la grille. Aussi, ce matin, nous sommes ici pour signer le pacte qui nous lie. Nous lutterons tous ensemble jusqu'à ce que le dernier ait franchi cette grille. Maintenant, nos camarades vont rentrer. Le salut que nous leur adressons n'est qu'un au revoir. Camarades, libre, vie! Quelques semaines plus tard, Georges Pompidou meurt. Les Lips ne le savent pas encore, mais la mort de l'homme des accords de Grenelle en mai 68 va un peu plus changer la donne. Les premiers mois de l'ère Neuschwander se déroulent sans encombre. Les machines repartent et chaque jour, de nouveaux ouvriers peuvent reprendre le chemin d'usine. Puis vient l'élection de 1974. Le libéral Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Du jour au lendemain, Renault, entreprise d'État à l'époque, décide d'arrêter ses commandes de pendulettes pour ses voitures. C'est un coup de poignard dans le dos. Les appuis et les promesses politiques d'hier se liquéfient. En février 1976, Claude Neuschwander, l'homme du PSU, le patron de gauche, doit quitter l'entreprise. Deux mois plus tard, Lip dépose de nouveau le bilan et l'usine de Palante est de nouveau occupée. Charles Piaget et ses amis reprennent la lutte en vain. La situation économique de la France est terriblement dégradée. Près de 30 000 licenciements sont recensés chaque mois. En 1977, faute de repreneurs, l'entreprise est définitivement liquidée. Elle renaît quelques semaines plus tard grâce à quelques anciens de chez Lip sous forme d'une société coopérative ouvrière de production dite SCOP, les industries de Palante, acronyme, remarquez, de Lip. C'est peut-être cela, l'innovation, l'imagination du mouvement des LIP, le chemin de traverse en cas de faillite de l'entreprise. À Besançon, dans l'usine, le 18 juin 1973, le jour se lève et laisse apparaître un nouvel horizon. Des travailleuses et des travailleurs refusent la mort de leur entreprise et de leur travail. Reprendre en main son outil de travail, fabriquer, vendre et se payer, c'est possible, les LIP l'ont fait. C'est l'héritage qu'il laisse aux luttes sociales d'aujourd'hui comme un espoir ténu, mais réel. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les forts finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux-pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil. Affaires sensibles et LIP avec Benoît Hamon, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai fait mes calculs, en 73, vous me dites si je me trompe, hein, vous aviez 6 ans. Oui. Bon, alors évidemment à 6 ans on n'a pas des souvenirs très précis de la vie sociale, mais bon, quel souffle quand même cette histoire, quel souffle. Qu'est-ce que ça vous inspire quand, quand vous l'entendez, concernant ces, dans ces détails, cette lutte ouvrière, ces, cet espoir, et puis ce, ce combat qui se transforme en coopérative ouvrière, vous qui avez été ministre de l'économie sociale et solidaire? Bon, d'abord, on est dans l'immédiat après 68, hein, quelques années, 5 ans après 68, donc... L'ensemble du mouvement ouvrier, mouvement social, syndical est baigné des aspirations qui sont nées en 68. Ce qui est très différent de la façon dont aujourd'hui les entreprises qui appartiennent à leurs salariés vivent, c'est qu'effectivement dans le combat des LIP, il y a d'abord un combat pour sauver son emploi, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les SCOP hein, aujourd'hui. Oui. On peut créer une entreprise sans pour autant reprendre une entreprise en difficulté. Et on peut la créer en SCOP, c'est ce qui se passe d'ailleurs la plupart du temps. Puis il y a surtout un mouvement plus global. On est encore dans la lutte des classes, on est encore dans un clivage très net entre les intérêts du capital et les intérêts du travail, avec au cœur de cela, un débat qui est un débat qui, à l'époque, et beaucoup moins maintenant, traverse les syndicats, c'est... Un salarié peut-il être propriétaire du capital et donc propriétaire de son entreprise, ou doit-il absolument construire un rapport de force contre le capital et donc se tenir bien à l'écart justement de la propriété du capital? Et c'est le débat qu'il y a entre la CGT et la CFDT à l'époque, c'est assez intéressant à entendre d'ailleurs. Et qui est plus un débat aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble du mouvement syndical est acquis à la conviction que une entreprise dont les salariés sont les propriétaires, ce sont une entreprise qui va mieux que ses concurrentes. Pourquoi? Parce que quand on est propriétaire de son outil de travail, eh bien, on y accorde souvent un peu plus de soins, et à partir de là, on allonge l'espérance de vie de l'entreprise. Et ce principe-là, je crois, a achevé de convaincre. En tout cas, les résultats des sociétés coopératives. Alors à l'époque on disait société coopérative ouvrière de production, maintenant on s'appelle société coopérative et participative, c'est pareil, ce sont des scopes. Mais je crois que les résultats des scopes ont convaincu toutes les organisations syndicales du bien fondé. Il ne reste plus qu'une grosse organisation syndicale patronale pour considérer que c'est archaïque et que les scopes sont dirigés par des gens en redingote avec une grande barbe blanche. Mais bon, ça c'est... Caricature. Bien. Absolument. Bon, vous souvenez, vous connaissez l'usine Pilpa à Carcassonne? Oui, très bien. Vous oui. êtes allé, je crois, non? Non, j'ai surtout travaillé à la reprise en scope voilà. Des Pilpa longtemps, pendant près d'un an et demi. Bon, alors notre reporter Gaylord van Wiebersch y est allé pour Affaires Sensibles. On va écouter ensemble son reportage. Une scope, bien sûr. La fabrique du Sud, coopérateur glacier. Ça, c'est la pancarte à l'entrée de l'usine sur les grillages. Et derrière, sur le bâtiment, le logo de la marque, la belle Aude, glace artisanale. On est dans l'ancienne usine Pilpa, qui a fermé en juillet 2013, suite à son rachat par un fonds d'investissement. 127 salariés ont été licenciés, mais 19 d'entre eux, des anciens de Pilpa, ont repris une activité sous la forme de SCOP, société coopérative et participative. Salaire compris entre 1250 et 1900 euros net. Avec un slogan, une glace aussi bonne que notre histoire est belle. Alors héritage de l'histoire des LIP ou simple coopérative collective en 2014. Machine arrêtée et production stoppée en quelques minutes ce matin, les 127 salariés de l'usine de crème glacée Pilpa ont débrayé, quittant les ateliers à l'annonce de la fermeture du site de Carcassonne. Moi je suis Maxime Jarne, je suis le directeur de la SCOP. Et avant, j'étais chef d'équipe production dans l'ancienne usine Pilpa. Passe une blouse. Ouais, une blouse et on va aller en production. Une blouse blanche et une charlotte verte. Pourquoi l'idée de la SCOP? La SCOP, tout simplement parce qu'on s'est fait dépouiller de notre richesse par ces fonds d'investissement. Le but de ces fonds d'investissement, c'est qu'on produit de la richesse et on la redistribue à l'actionnaire. Donc on s'est dit, on va refaire une entreprise, une SCOP, dans laquelle la richesse que l'on produira restera. Bien sûr, on est une entreprise, on est réaliste, il faut faire du profit, il faut qu'on puisse vivre, il faut faire des bénéfices, mais pour pouvoir les réinvestir dans l'entreprise. Et puis après, on est 19 salariés associés et on a tous investi en moyenne 20 000 euros dans la SCOP. On a mis une partie de notre indemnité de licenciement. Chaque pièce qu'on touche, que ce soit un couvercle, que ce soit un pot, il y a un petit peu de nous dedans. Salarié actionnaire. Salarié associé. J'ai dit actionnaire, non. Ah non, non, non, surtout pas actionnaire, salarié associé. On va aller les voir, les salariés, on va visiter. Ah, c'est ici que ça se passe. Voilà. Là, on voit une personne, une dame, qui remplit les pots manuellement. Une autre personne à côté qui les prend et qui met le couvercle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, j'allais vous dire, ça sent bon la vanille. C'est de la vanille bourbon de Madagascar. Donc, on travaille avec un producteur en direct. Et on sent effectivement la vanille qui est fabuleuse. Qu'est-ce que c'est? C'est régal, le travail ensemble. Ben avant, c'était plus industriel, donc on avait plus de pression. Là, on travaille dans la bonne humeur, on travaille mieux, puis on travaille pour nous surtout. Donc, Alors, on va faire la dégustation. C'est la vanille? C'est de la vanille. Mmh, ça sent très bon. C'est bon? Ouais. Excellent. On est 19 caractères différents. Forcément, c'est pas évident. C'est pas forcément tout le temps tout rose comme ça se dit, mais ça se passe très bien. Avant, on était dirigés. Maintenant, on se dirige et on essaye d'aller tous dans la même direction. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Stéphane. Habituellement, je travaille à la préparation des mix et à la pasteurisation. Aujourd'hui, comme on n'a pas de préparation, on est venu donner un coup de main un petit peu à nos collègues. C'est comme ça que ça se passe, le travail ici, dans une SCOP? C'est-à-dire la solidarité entre nous. Eh bien oui, oui, exactement. Oui. C'est vraiment des valeurs humaines, des relations entre les gens, entre les individus. Elle est là, notre richesse. Non? Vous collez les étiquettes sur les pots? Ça va, là, on a un petit peu en retard. On va aller voir la solidarité, on va rattraper de suite. C'est l'ouvrier qui prend possession de son outil de travail, quoi. Qui prend sa vie en main. On est encore aux prémices de notre existence, on va dire. Il nous reste à pérenniser tout ça, mais on a bon espoir dans l'avenir. Rachid Aïtouakli, moi je suis rentré à Pilpa en 78, donc ça fait 36 ans. Premièrement, il faut dire qu'il y a un site là qui représente 6 hectares et 22 000 mètres carrés qui maintenant appartient à la population. Avant, ça appartenait à un organisme privé. Donc ça, on a imposé à la communauté d'agglomération d'acheter ce site. Donc déjà, c'est un premier pas. Ensuite, bien sûr, la création d'une SCOP, c'est quand même déjà faire rentrer la démocratie dans une entreprise alors que c'est très difficile à gérer. Et c'est les salariés qui l'ont fait, quoi. Comme on vient de dire, je ne me souviens plus le nom de ce nouveau ministre qui dit que les salariés sont des illettrés, pratiquement. Ministre de l'économie, monsieur Macron. Monsieur Macron, oui. Là, je peux vous garantir que j'ai vu les copains, là, qui étaient sur des lignes de production. Mais là, j'ai vu apprendre le commerce, apprendre la gestion. L'intelligence collective se révèle et on voit qu'ils mûrissent, c'est une montée de compétences extraordinaire. Donc il suffit de donner un moyen aux salariés et ils y arrivent. Si je vous dis l'histoire des LIP. L'histoire des LIP, j'étais aux 40 ans des LIP l'année dernière, c'est quelque chose de formidable, il y avait un très grand engouement. Même si, bien sûr, on voit bien que ça a capoté, hein, et on espère que ça ne nous arrivera pas à nous. Bon, bien sûr, il faut se servir aussi des expériences comme ça. On voudrait être des exemples et montrer aux autres salariés que c'est possible. Et ne serait-ce que d'avoir essayé, je trouve que déjà c'est une victoire. Rien ne sera plus jamais comme avant. Benoît Hamon, le témoin que nous venons d'entendre dit j'espère que ça va pas capoter, parce qu'il y a peut-être un problème sur les SCOP, c'est qu'à un moment donné, avec la pression de la concurrence où il faut se mettre à produire de façon intensive, est-ce que le modèle économique des SCOP peut résister? Il résiste mieux que ses concurrents en société anonyme. C'est pas moi qui le dis, c'est la sacro-sainte direction du Trésor. Elle a fait une étude, la direction du Trésor, et elle montre quoi? Une idée reçue veut qu'une SCOP, parce qu'elle est dirigée par les salariés, ne dispose pas de la compétence pour être durable. Et la direction du Trésor s'est penchée sur le sort de ces SCOP. Et elle a constaté quoi? Qu'une SCOP, donc une entreprise qui est la propriété de ses salariés, a une espérance de vie 20% supérieure à ses concurrentes qui ne sont pas la propriété de leurs salariés. Alors ça ne veut pas dire que la SCOP c'est de la magie, hein, que c'est forcément le meilleur modèle, il faut avoir des clients, il faut avoir un carnet de commandes qui se remplit, il faut être en capacité d'investir, d'innover. Ça, ces problématiques-là se posent aux SCOP comme à toutes les entreprises. Mais l'idée selon laquelle une SCOP, ça vit moins longtemps, elle est totalement fausse. Cela vit en moyenne 20% de temps plus que ses concurrentes. Alors ça s'explique pour deux raisons. L'une, évidemment, la motivation des salariés, le choix d'investissement peut-être plus prudent que ceux qui sont faits par des actionnaires qui ne jouent pas ni leur vie ni leur emploi dans le destin de l'entreprise. Et ensuite, le fonctionnement même d'une SCOP, c'est que les bénéfices sont réinvestis pour partie dans l'entreprise. Une partie peut être distribuée sous forme d'intéressement aux salariés, mais pour l'essentiel, on réinvestit l'argent que l'on a gagné. Et on le réinvestit dans l'entreprise, et c'est ce modèle vertueux qui explique, tout simplement, non pas par idéologie, mais en raison des mécanismes de fonctionnement d'une SCOP, que cela vit plus longtemps une SCOP qu'une entreprise classique. Et les pile-pas, c'est intéressant. Bah, d'abord, c'est intéressant pour montrer que sur les 127 salariés ou 120, plus de 120, il n'y en a que 19 dans la SCOP. Hein. Oui. Le reste a dû ou aller à Pôle emploi ou trouver un autre travail. Donc, dans les reprises d'entreprise, la SCOP, ça n'est pas non plus une solution miracle. Ça peut être une solution, mais ça ne l'est pas. Mais c'est surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des SCOP sont des créations ex nihilo par des hommes et des femmes qui décident de créer une entreprise en SCOP. Ça n'est pas forcément une reprise d'entreprise en difficulté. On associe beaucoup le mouvement ouvrier à des épopées sociales. La plupart du temps, aujourd'hui, les SCOP, elles se créent du jour au lendemain par des chefs d'entreprise. Alors je dis bien des chefs d'entreprise, parce qu'ils sont tous chefs d'entreprise, ils vont choisir l'un d'entre eux pour être le patron, mais c'est une élection. Des chefs d'entreprise, qu'ils soient 20, 30, 50 ou 100, qui décident d'être propriétaires tous ensemble de leur entreprise. Est-ce que les banques jouent le jeu? Parce qu'il faut, avoir l'accès au financement, bien sûr. Est-ce qu'il y a des blocages? Des difficultés? Oui, il y en a. Pourquoi là encore? Par ignorance, comme souvent. Manque de confiance, d'un modèle. D'acculturation, si je peux me permettre, à ce modèle. Et c'était très frappant d'ailleurs dans le fonctionnement auparavant des instruments publics de financement des entreprises comme Oseo, la Caisse des dépôts, etc. Et on a beaucoup travaillé avec la Banque publique d'investissement à ce qu'elle reçoive le modèle SCOP comme un modèle viable, pérenne. Et c'est aujourd'hui le cas. Alors, il y a un grand changement qui va intervenir par la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui a été que j'avais initié, qui a été voté définitivement. Il est double. Désormais, on crée un droit d'information pour les salariés lorsque leur entreprise est à vendre, de façon à ce qu'ils puissent être candidats à la reprise de leur entreprise. Beaucoup de situations où des salariés dans une PME apprennent le jour de la vente ou le jour quasiment du dépôt de bilan que leur entreprise était à vendre ou qu'elle est mise en liquidation. Et là, nous allons les informer 2 mois avant. Ils pourront être candidats à la reprise de leur entreprise. Mais pour faciliter cette reprise, et l'exemple des pile-pas était frappant, c'est que mettre 20 000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Alors c'est une partie des indemnités de licenciement, mais ça peut être aussi une partie de son épargne. C'est donc un investissement considérable. Ça peut être moins, ça l'est souvent. Mais là, on va permettre de créer une SCOP sans être majoritaire en capital. C'est la première fois, ça s'appelle la SCOP d'amorçage. Sur une période de 7 ans, vous pourrez être minoritaire au capital, mais majoritaire en droit de vote, et charge à l'entreprise, au bénéfice que vous réalisez, de constituer le capital majoritaire pour les salariés après. C'est un grand changement qui devrait nous permettre de voir multiplier grandement le nombre de SCOP en France. Alors justement, Emmanuel Macron, le nouveau locataire de Bercy, on a entendu son nom cité dans le reportage, a effectué sa première visite ministérielle dans une SCOP la plus importante de France, à Com, spécialisée dans les câbles high-tech et la fibre optique. Pour vous, c'est un signe politique? Car il faut un signe politique si on veut soutenir les SCOP. Écoutez, moi je pense qu'une des grandes lois de gauche de ce quinquennat, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est bien que le ministre de l'économie la valorise et qu'il montre que dans ces entreprises-là, quand les salariés sont propriétaires de leur entreprise, on peut gagner des marchés à l'export, on peut être performant, on peut être innovant, et que c'est pas l'apanage de quelques start-up ou de jeunes gens qui seraient forcément brillants parce qu'ils auraient leur entreprise dans quelque chose qui s'appelle Tatata Valley. Peu importe que le nom de la vallée en question. Donc il n'y a pas que cela. Et Acom le démontre, mais il y a beaucoup de SCOP aujourd'hui qui ne sont pas que dans le domaine industriel, mais dans le domaine des services, qui aujourd'hui sont très très performantes. Donc je me réjouis qu'Emmanuel Macron ait choisi comme premier déplacement d'aller dans une SCOP. Mais je serais totalement heureux quand le décret sur le droit d'information des salariés préalables, qui en application de la loi qui a été votée, sera publié à la fin de l'année, parce que ça créera un nouveau droit pour les salariés. Et je pense aujourd'hui qu'on a besoin que les salariés aient l'opportunité de se porter candidat à la reprise de leur entreprise. C'est une merveilleuse manière de sauver des dizaines de milliers d'emplois qui sont détruits dans des PME qui ne trouvent pas de repreneurs alors qu'elles sont encore rentables aujourd'hui en France. Une étude estime à 50 000 à 200 000 emplois détruits dans des PME en bonne santé qui ne trouvent pas de repreneurs. Là, nous avons un moyen de faciliter la transmission aux salariés. Benoît Hamon, on va repartir une dernière fois dans ce passé récent de 1973 avec le documentaire de Christian Rouault, un petit extrait. Hein. Ça s'appelle « L'élipe, l'imagination du pouvoir » et Claude Neuschwander, dont on a parlé tout à l'heure, ce patron de gauche envoyé par Michel Rocard, il revient sur la fin d'Élipe. Jusqu'à Élipe, c'est un capitalisme qui est un capitalisme certes dur, les conflits sociaux sont considérables, c'est pas la peine d'y revenir, mais c'est un capitalisme dans lequel l'entreprise est au cœur de l'économie. Après Élipe, l'entreprise nouveau temps, qui est celui que nous vivons aujourd'hui, c'est un capitalisme dans lequel la finance a remplacé l'entreprise. L'intérêt de l'argent est devenu le moteur. Et on joue au monopoly avec les entreprises. Alors on broie les hommes. Alors on broie les territoires. C'est cela qui a commencé avec Élipe. Voilà, ça c'est juste pour rappeler le monde dans lequel nous vivons. Toujours Emmanuel Macron, quand il est ressorti de cette visite, dans cette grande scope à Com, il a annoncé vouloir améliorer la participation des salariés au capital. Alors ça c'est autre chose, hein, c'est pas les scopes, c'est l'idée de l'économie sociale et solidaire, ça, la participation. Oui, c'est une des idées, mais bon, dans une scope, on vote et on élit le chef d'entreprise, qui n'est pas exactement, et on décide des grands investissements de l'entreprise. Mais plus les salariés seront en situation de contrôler ce qui se passe dans les conseils de surveillance, dans les conseils d'administration, et est en capacité d'être associés aux grands choix stratégiques de l'entreprise, moins on prendra le risque d'un comportement des actionnaires qui, parce qu'il est tendu par le court terme, et donc la rentabilité du capital que j'ai investi, je suis actionnaire, j'exige un rendement de 15% de mon capital, peu importe que pour obtenir ces 15%, cela est comme conséquence de détruire potentiellement de l'emploi, l'outil de travail et la vie de l'entreprise à moyen terme. Ce type de comportement existe, il s'est même beaucoup développé dans les années passées. La manière dont on arrivera à construire un capitalisme plus patient, davantage orienté vers le long terme, est évidemment déterminant si on veut pouvoir réindustrialiser le pays, parce qu'il suffit pas simplement de faire une politique qui est une politique de soutien aux entreprises et à l'innovation pour que cela se réalise. Il va falloir s'inscrire dans le moyen et long terme, et ça suppose un capitalisme patient. Les scopes sont garants de cela. Et le modèle coopératif, réjouissons-nous de cela, en France, est plutôt un modèle dynamique. Il se développe, encore faut-il que les pouvoirs publics persévèrent dans le soutien à ce modèle-là, et j'espère que Emmanuel Macron, mais j'en doute pas, poursuivra le travail que j'avais accompli à Bercy sur ce terrain, et que poursuit la secrétaire d'État en charge de l'ESS, qui s'appelle Carole Delga. Benoît Hamon, vous avez question d'actualité, hein, vous avez claqué la porte du gouvernement pour ce qu'on pourrait appeler un désaccord de fond hein, sur l'orientation de la politique économique. Essentiellement, comment voyez-vous vos prochaines semaines, vos prochains mois, peut-être vos prochaines années? Alors vous récupérez votre siège de député des Yvelines vendredi, je crois. Hein. Donc, quel va être votre travail parlementaire? Vous ferez partie des frondeurs? Je vais essayer d'être coopératif. Je pense que aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on travaille à réfléchir à ce que doit être une politique économique de gauche avec une croissance modeste. Comment ça peut être? Cette politique peut-elle, avec une faible croissance, être riche en emplois et en même temps sobre écologiquement? Je crois qu'on n'a pas trouvé encore manifestement la solution. Et je ne vais pas m'inscrire dans une sorte de contestation permanente de l'action du gouvernement. C'est pas mon genre, surtout que j'y ai participé. Mais j'ai bien l'intention d'apporter très vite ma pierre à la réflexion de la gauche et sur des sujets qui sont des sujets sur lesquels nous sommes attendus, parce que pour l'instant nous avons échoué sur ce quoi nous étions attendus. Merci, Benoît. Chômage, notamment. Chômage, merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.